France Musique. Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Alexis Malbert, bonsoir. Oui, bonsoir Clément. Alexis Malbert, alias Tapetronic et autres, parce que vous avez plusieurs noms, Alexis Malbert, en fonction de votre activité autour de la cassette, puisque c'est votre médium de prédilection, et ce depuis longtemps, non ? Oui, ça fait, on va dire, une vingtaine d'années maintenant que je pratique beaucoup la cassette et autres gadgets et supports sonores divers et variés. Mais parce que vous dites autres supports sonores, enfin, parce que vous créez des outils à partir de cette bande, de ces outils qu'on a un peu délaissés dans les années 90, alors que vous avez tenu à travailler avec ces outils. On va écouter plusieurs exemples de votre carrière de Tapetronic en particulier, et puis surtout de vos recherches, parce que vous faites des recherches en ce qu'on appelle l'archéologie des médias, au fur et à mesure de cette interview. Pour vous, la cassette, est-ce que c'est d'abord un médium pour diffuser du son, ou c'est avant tout l'objet qui vous intéresse ? Alors c'est plus l'objet effectivement. Là où j'en suis arrivé finalement, c'est d'avoir presque un travail de luthier. Hein. Je fabrique des instruments avec support cassette en grande partie. Je fabrique moi-même mes instruments avec. Quoi. Je détourne les cassettes, c'est-à-dire que je découpe le plastique, j'intègre des éléments souvent mécaniques. Je joue aussi des effets magnétiques. J'en fais un instrument finalement, plus qu'un support d'édition de la musique, voilà. Et la destination, c'est surtout aussi du live, c'est-à-dire que je fais des performances live, donc ce sont des instruments qui me permettent d'avoir un jeu musical qui a une dimension aussi visuelle, gestuelle, performative, qui se retrouve sur scène, quoi. Alors vous parlez d'objet aussi parce que vous êtes également plasticien, c'est-à-dire que c'est l'objet lui-même est beau en soi, faut dire, la cassette ça a quand même du charme, mais c'est aussi parce que derrière ça il y a le geste de l'artiste qui est gommé par l'ordinateur quelque part, par le numérique. Vous, avec la bande, vous cherchez à retrouver une forme d'instrument derrière ces cassettes. Alors retrouver, en fait, j'utilise pas tellement le mot re parce que quand j'ai commencé à pratiquer, à expérimenter en tout cas avec le support cassette, la bande, c'était à une époque où tout le monde utilisait encore des cassettes. Il n'y avait pas encore tous les téléphones portables, internet. Enfin, c'est-à-dire, bon, c'était dans les années 90, quoi. Petit à petit, j'en ai fait une pratique personnelle. J'ai jamais arrêté, quoi, depuis, de développer, d'inventer des nouvelles choses, de développer des projets avec. J'en ai fait un médium, quoi. Mmh. Donc, pour moi, c'est pas une vraie bataille contre le numérique, parce que le numérique est un outil aussi absolument fabuleux, que j'utilise parfois aussi, voilà, qui permet plein de choses. Mais je trouve que c'est important, par contre, de conserver des outils aussi plus anciens et d'essayer d'inventer des choses nouvelles avec. Dans le sens où voilà, il y a aussi l'idée de recycler, il y a l'idée aussi la position, certaines positions par rapport au statut de l'objet, des médias, comment on les utilise. Mmh. Est-ce qu'un média, un médium doit n'être qu'un effet de mode, voilà, décidé par l'industrie finalement, ou est-ce qu'il peut avoir une seconde vie, enfin, c'est tout un questionnement finalement assez qui peut être même presque politique des fois, même si j'aime pas trop aller dans ce sens-là directement, mais voilà, quoi, c'est aussi un certain choix, quoi. Et tout ça, évidemment, on le retrouve sur votre site aleximalbert.com, où là, vous avez vraiment toute une réflexion et on voit tous vos outils, vos différents instruments que vous créez. Et on va écouter tout de suite un exemple qui date de 2012, qui s'appelle Tour de Face, dans lequel on entend une succession d'instruments. Alors, je vous propose de l'écouter pour qu'on puisse vraiment entendre votre matière avec laquelle vous travaillez. Ouais. Et puis après, on va pouvoir parler de ces drôles d'instruments à partir de cassettes. Première opération, versez tout le contenu de la cassette jaune. Et puis, au top, vous agiterez très énergiquement pendant 30 secondes. Vous y êtes ? 3, 2, 1, top ! Bien. Deuxième opération, ouvrez. Retournez la cassette et vous la ferez rouler continuellement tout en agitant. Thank you. puis grattez très énergiquement sur la face B en découpant vers l'intérieur. Prêt ? Allez-y ! Troisième opération, sur la phase A, enlevez le bouchon. Ajoutez lentement la fin de la bande de cette phase. Et rebouchez. Et puis, tournez d'un quart. Sur l'autre face de la cassette, ajoutez alors le temps total. Voilà. Vérifiez que la poudre est bien dissoute. Si une opération se déroule trop vite, arrêtez cette cassette et reprenez dès que vous serez prêt. Vous y êtes ? 3, 2, 1, allez-y. Tour de face de Tapetronic, Alexis Malbert ici aux machines. Alors c'était en 2012, on entend une succession de sons qu'on pourrait presque dire électroniques, mais on entend derrière quand même le son des années 80-90 à travers ces bandes que vous manipulez. Enfin, je sais pas si c'est des bandes en fait. Et puis surtout, c'est une sorte de manuel de chirurgie de la cassette. Alors Alexis Malbert, est-ce que c'est finalement une sorte de manuel pour nous dire comment faire pour à rentrer dans la cassette audio? Oui, alors ça c'est encore un morceau un peu particulier que j'avais fait à ce moment-là. Il faut dire déjà que j'aime beaucoup faire, en enregistrement, j'aime beaucoup faire des sortes de gags musicaux, quoi. Bon, effectivement, là c'est un montage, enfin tous les sons abstraits qu'on entend, ce sont des sons enregistrés sur bande qui proviennent du coup des objets que je fabrique. Et les voix qu'on entend, effectivement, ça c'est un cut-up réalisé à partir d'une cassette audio qui est quasiment introuvable maintenant, mais voilà, c'était un mode d'emploi en fait audio en cassette de développement photo. Un professionnel qui explique comment développer ses films, faire le bain, le révélateur et tout ça. Et moi, j'ai remonté, j'ai rechangé complètement le sens. Je me suis approprié, comme c'est enregistré sur support cassette, il y a juste au début où il explique comment utiliser la cassette, finalement. Et ensuite, il explique comment utiliser le matériel de développement photo. Mais j'ai mélangé tout ça, finalement. On se retrouve à développer des cassettes, quoi. Vous développez des cassettes, mais vous développez des instruments qu'on entend vraiment dans l'enregistrement. C'est-à-dire que tous les bruits électroniques, ce sont des instruments à partir de la cassette. Voilà, du coup, ça permet de mettre en musique, en scène, un panel comme ça de sons produits par mes objets, quoi. Une sorte de démonstration d'effets sonores et d'objets sonores en même temps. J'aime bien le côté ironique aussi, du côté commercial, démonstration, fausse pub, faux reportage. Et dans ces instruments que vous avez, c'est-à-dire qu'il y en a certains où vous n'avez quasiment plus de bande même, c'est juste la boîte qui existe, ou bien vous êtes directement avec que la bande. Enfin, c'est pour vous, c'est vous recherchez au fur et à mesure des choses que vous avez en tête, ou bien c'est vraiment vous tâtonnez au fur et à mesure pour arriver à un son que vous désirez? Ah, c'est vraiment du tâtonnement, c'est beaucoup finalement au final d'expérimentation. Et à force d'expérimentation, on finit par finaliser des choses pour qu'elles fonctionnent, pour en trouver des utilisations. Donc c'est vrai que là, bon, j'utilise beaucoup. Maintenant, effectivement, c'est ce qui fait peut-être aussi un peu la marque de fabrique Tapetronic. Parce que des gens qui font des choses encore avec des cassettes et en utilisant juste la bande, il y en a beaucoup. Moi, mon truc vraiment qui est moins courant, c'est que j'utilise les champs magnétiques pour produire des effets sonores et des objets sonores. En fait, j'enlève beaucoup la bande magnétique sur certaines de mes cassettes, où je vais utiliser des aimants, des ressorts, des moteurs qui vont, à la place de la bande, finalement produire un champ magnétique devant la tête de lecture du magnétophone, ce qui va produire des sons. Donc, alors c'est vraiment le champ magnétique, les ondes, par effet de vibration, même de frottement, de rotation. C'est de l'énergie, en fait, c'est presque de la physique. Tout ça permet d'avoir une gamme de sons, quoi. Donc j'en fabrique des instruments avec tout ça, ça me permet, voilà, je vais avoir des cassettes par exemple, ça me permet de faire de la basse avec d'autres, des choses qui ressemblent plus à la guitare électrique. Alors, je greffe parfois des toupies, des choses comme ça. J'ai même fait des choses avec des hand spinners qui étaient à la mode cette année. J'utilise ça en scène. Je mets des aimants sur les hand spinners. J'ai fait tourner devant les têtes de lecture. Et ça me fait des bruits d'hélicoptère, des choses comme ça, quoi. C'est des sons qui sont assez puissants. En plus, en live, hein, on est souvent dans les grosses basses, des choses qui sont assez efficaces, quoi, au niveau du son. Est-ce qu'on peut dire, Alexis Malbert, que vous participez à l'esthétique du circuit de bending, qui consiste à détourner des appareils électriques, sonores, en créant de nouvelles connexions, en les ouvrant, en changeant les circuits pour trouver une sorte de noise, de musique hyper électronique, mais complètement détournée. Est-ce qu'avec vos cassettes, vos instruments détournés, vous participez donc à ce circuit de bending ? Alors, c'est vrai que je suis souvent assimilé aux artistes du circuit bending. C'est pas faux. Après, voilà, j'ai beaucoup d'artistes que je côtoie ou avec qui je collabore aussi qui sont beaucoup dans le circuit bending. La démarche, en fait, l'état d'esprit est exactement le même. Hein. Mmh. On est vraiment dans le détournement, la réappropriation d'objets sonores. Voilà, on démonte, on teste, on fait des expérimentations et on fabrique des objets qui deviennent des instruments. Donc on est vraiment dans la même démarche. Après, techniquement, c'est un peu différent parce que circuit bending, on est plus dans l'électronique finalement. Moi, je suis plus dans le mécanique, dans le magnétique. Voilà, moins dans le circuit, quoi. Voilà, la technique du son, c'est pas tout à fait la même approche. Parce que vous parliez de réappropriation, et c'est vrai que tout votre travail aussi part de ces cassettes que vous trouvez et dont vous faites finalement aussi votre vocabulaire. Et c'est toute une série de podcasts que vous avez proposés sur votre site discuts.blogspot.fr, qui est un magazine, Discuts, qui nous parle d'archéologie des médias. On va en parler juste après avoir écouté une série de Archaeotronics, qui sont donc des cassettes trouvées, des collectages de cassettes trouvées. On en a fait un petit montage, quatre choses assez goûtées, on pourrait le dire comme ça, goûteuses, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, qui nous montrent l'intime des gens en lien avec la cassette, parce que finalement, personne ne fait ça sur son ordinateur aujourd'hui, et montre toute une génération qui a enregistré tout et n'importe quoi sur ce médium incroyable qu'est la cassette audio. Eh bien, bonsoir. Ou bonjour. Lino et Francky, vos deux DJ, dédient spécialement cette cassette à Claudine. Au programme de cette cassette, il y aura de la New Wave, du reggae, une grande série de slow et un tout petit peu de funky. Coligo le premier. Non, c'est... Tout faux, c'est... 1, 2, 3... ATFM. Et c'est sur 99.9. Parti. C'est le FM. Bref, passer avec McFly, c'est maintenant. Donc c'est... Les fanfans à Johnny. Et pas les petits éléphants, les fanfans. Je vais chanter. Ah, il y a un chant dans la bouche. Eh ben, je suis pas un vache, je suis un fils. Bon. Les gens m'appellent les dalles des jeunes. Il en est même qui m'envie. Tu sais comment ça? La chanson de Johnny. De Fanfan? Fanfan à Clip? Ou Fanfan fantastique? Non, comment c'est? M'appelle l'idole des jeunes. Alors là, c'est sur la voix grave. Hein. Connaissez-vous Radio Rubignol? Savez-vous que cette radio très libre Il met chaque jour sur une longueur d'onde un peu spéciale. Écoutez-la chez vous ou dans votre auto et répandez autour de vous amour, sperme et volupté. Grâce à Mimi Pétard, vous aurez enfin la réponse à bien de vos soucis. Et les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance de connaître la révolution sexuelle de 68 connaîtront enfin le plaisir de 69. Pour écouter Mimi Pétard, une seule radio, Radio Roubignol. Pardon, c'était donc des extraits de votre banque de sons que vous trouvez, de cassettes que vous réalisez, Alexis Malbert, sous le nom d'Archéotronix. Alors ce qui est incroyable, c'est que là on a un petit peu tout ce qui se passait avec la génération cassette audio, c'est-à-dire qu'on chacun a fait une compile à un moment ou à un autre. Alors là on a une compile présentée comme une sorte de radio, et puis il y en a aussi ce phénomène de faire sa propre radio chez soi. Là on a des radios, Radio Roubignol, qui est un monument incroyable, et puis aussi la soirée enregistrée entre copains, on pose de quelle radio cassette, on écoute quelqu'un qui chante Johnny. Alexis Malbert s'est montré qu'avec ces anonymes là, ils deviennent quelque part des objets culturels à observer, autant que des objets archéologiques un petit peu, quelque chose qui est des témoins d'une époque. Oui, alors effectivement, avec Teptronic, j'ai besoin de me fournir tout le temps de beaucoup de cassettes pour fabriquer mes objets. De plus en plus, je récupère des stocks énormes de cassettes. Donc avant de les démonter, d'en fabriquer des instruments, j'écoute parfois ce qu'il y a dessus. Et finalement, de fil en aiguille, comme ça, je suis tombé sur plein de choses incroyables. Et ça m'a poussé à finalement faire aussi du collectage d'enregistrements divers et variés, réalisés par des gens, par des anonymes, souvent, ou parfois aussi des choses éditées, mais qui sont vraiment très rares. C'est assez fou, quoi, toute cette richesse. C'est assez étonnant de la diversité de choses qui peuvent être racontées, en fait, sur... À partir du moment où on donne la possibilité d'enregistrer du son à des gens. Mais là, en l'occurrence, on rentre dans un cadre intime. C'est-à-dire que ces personnes-là n'avaient pas tout l'idée de le diffuser ou de le faire entendre à l'extérieur. Là, on est vraiment comme, je sais pas, une fourchette à l'époque égyptienne. C'est-à-dire, c'est un outil qui fait partie d'une culture de l'intime. Ah oui, complètement. C'est vrai que là, par exemple, on a écouté un faux jingle radio à un moment donné, raté FM, 99.9 FM. Ça dure 30 secondes, ça se trouvait sur une cassette. À la base, c'est une cassette vierge que quelqu'un avait enregistrée. Sur toute la cassette, en fait, sur des répètes de guitare. Donc, c'est, je pense, un ado qui répétait des airs de Nirvana à l'époque. Donc, sur toute la cassette, on entend des riffs ratés de Nirvana. Et tout d'un coup, il a dû se taper un délire, faire un faux montage, se prendre un peu pour un animateur radio. Le jour où je suis tombé là-dessus, je trouvais ça génial, quoi. Et plein de choses comme ça. Et tout ça, justement, tout ça pour vous, ça a été aussi une base de recherche, parce que vous êtes donc, on pourrait dire, rédacteur en chef du magazine Discuts, qui est en ce moment en stand-by, mais qu'on peut retrouver sur le discuts.blogspot.fr, qui est vraiment un magazine qui était dédié à cette archéologie des médias, une sorte de discipline qui réunit sociologie, histoire, musique et les arts plastiques, et qui nous parle de ces médias qu'on a oubliés et qui, en fait, quand on les écoute, sont témoins d'une époque et surtout peuvent devenir des outils de création. Pour vous, c'est assez important dans votre démarche en tant que Teptronic ou en tant qu'Alexis Malbert? Oui, disons que j'ai développé une pratique personnelle, une sorte d'outillage comme ça avec Teptronic, mais en même temps, pour nourrir tout ça, je suis aussi rentré j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait du collectage, même de la collection d'objets, d'enregistrements comme ça, sonores, perdu, quoi, finalement. Et en même temps aussi de supports aussi sonores obsolètes, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches par exemple sur les supports avortés, cassettes, finalement on connaît la cassette audio que tout le monde connaît. Il y a la bande magnétique type Revox et tout ça. Il y a eu la stéréo 8 qui était des formats, les plus gros formats avant la cassette, enfin à peu près en même temps, mais qui était plus destiné à écouter dans les autoradios. Et il y a eu plein d'autres formats oubliés. J'ai des appareils, par exemple, qui sont des sortes de dictaphones, par exemple, qui se collent sur le frigidaire pour faire des sortes d'appareils à mémo, pour mémoriser, prendre des notes, genre faire la liste de ses courses sur bande magnétique. Ça existait. Et c'est des cassettes qui sont grosses comme l'ongle du pouce. Voilà, ça, c'est des formats qui sont complètement oubliées, qui n'ont pas été beaucoup utilisées, voilà. Mais qui ont le droit d'exister encore. En cassette, mais aussi dans le monde du vinyle aussi, hein, c'est pareil. Hein, j'ai plein d'appareils un peu bizarres avec des formats de disques, des jouets aussi. Voilà, j'ai même des graveurs de vinyle, même pour enfants, comme ça, des trucs japonais, des trucs bizarres. Et voilà. Tous ces gadgets-là sont vraiment réunis autour de ce magazine Disquette, qui était à chaque fois livré en plus avec un gadget qui allait avec, et qu'on retrouve aussi avec les objets que vous vendez, parce que maintenant vous vendez des objets comme par exemple le Vibrocassex. On retrouve sur votre site, alors il y a une pub, il y a une vidéo, et vraiment vous vendez des outils qui sont limités. Alors est-ce qu'on peut dire que ce sont des gadgets uniquement, ou pour vous c'est vraiment des instruments qui permettraient d'aller au-delà de le côté anecdotique? Alors entre les gadgets du magazine Scats et les éditions limitées que je fais depuis peu avec Taptronic, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les éditions limitées de Taptronic, c'est un côté gadget, mais en même temps, ça peut servir de vraiment d'instruments. Ce sont les objets que moi j'utilise moi-même aussi sur scène, donc ce sont vraiment des instruments. Donc voilà. Alors que dans Discuts, le côté gadget, voilà, on était plus, il y avait un petit côté référencé avec Pif Gadget. Voilà, on était à la fois, dans le quelque chose d'agréable, un magazine à papier, donc agréable à lire. Pas trop pointu, mais en même temps assez approfondi dans la recherche, ponctué de gadgets. Ce qui me plaisait bien, c'est déjà de faire une édition papier, parce que ça parle d'objets. Le magazine, le sujet, ça parle beaucoup d'objets, de supports physiques, tout ça. Donc, il fallait faire un objet pour parler d'objets, quoi. Oui, bien sûr. Donc, d'y amener un gadget, voilà, ça permettait d'aller encore plus vers le côté objet, quoi. Média, objet... l'information par l'objet. Voilà, c'est vrai que là, c'est un peu en stand-by Discuts, parce que j'ai d'autres projets avec ça qui vont demander sûrement plus de travail. Et puis vous êtes sur Taptronic en ce moment, et justement on va écouter un extrait de Vibrocassex, qui est une sorte de pub de cet instrument. Vous en avez parlé. C'est une des éditions. Vous allez nous en parler après, parce que déjà le nom, il donne on a un imaginaire qui se développe derrière. On va d'abord écouter, vous nous direz comment ça fonctionne juste après. On peut entendre le son que ça donne, les gens. Voilà. Vibrocassex. Vibrocassex. Vibrocassex. Vibrocassex. Vibrocassex. Vibrocassex. Vibrocassex. Le clip vidéo, sorte de pub pour l'instrument Vibrocassex créé par Alexis Malbert, enfin Taptronic, votre nom d'emprunt, enfin, votre alias pour réaliser tous ces instruments, Alexis. Ici, on entend donc cette voix qui ne cesse de dire Vibrocassex, c'est cet instrument qui a un son presque 8 bits, on a l'impression d'un instrument sorti de l'électronique des jeux vidéo, et pourtant ça vient d'une cassette tout ça. Oui, une cassette que je fabrique du coup, en fait c'est une cassette avec... un logement de piles à l'intérieur, et au lieu qu'il y ait une bande magnétique, c'est un moteur, et là c'est plus un vibreur en fait. Hein. D'accord. Un vibreur qui est entre le vibreur type vibreur de téléphone portable et le vibreur de vibromasseur. Donc c'est un objet un peu un gag, hein, qui produit un son spécifique. Hein, qui parce que vous dites gag, mais c'est vrai que musicalement, il a un son qui est typique d'une génération qui revient, par exemple, aux 8 bits aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment un son électronique. Alors, je suis désolé de dire, mais chiptune, c'est-à-dire vraiment cette esthétique qui va vers le son électronique de base des années 80 et qui est hyper présent aujourd'hui. C'est-à-dire que même en étant dans un objet gag, vous en faites un instrument très actuel. Bah après, c'est vrai que je parle beaucoup de gag, mais... ça peut être parfois mal, bah oui, mal interprété dans le sens où je suis pas sérieux, mais finalement je fais ça très sérieusement derrière. Bah, Mauricio Kagan lui disait ça. J'essaye de me rattraper. Pas de mais c'est surtout aussi parce que voilà, c'est par rapport à l'esthétique de l'objet, bon, qu'on voit pas là évidemment la radio, mais voilà, bon, c'est une cassette déjà qui est en plastique rose. qui est vendu dans un étui en noir brillant, avec un beau ruban rose satin, qui a une police Teptronic un peu vintage. Bon, voilà quoi. Donc on est dans l'objet un peu sexy, quoi. Voilà. Mais avec lequel vous jouez donc en live, parce qu'on va revenir quand même sur cette pratique-là de Teptronic. Vous êtes à la fois un chercheur au niveau de l'archéologie des médias, au niveau de la construction d'instruments, mais vous êtes aussi un performeur, parce que vraiment une forme de DJ à la cassette. Comment vous réalisez ça? Vous avez plusieurs lecteurs cassettes, vous avez plusieurs manières de jouer avec les cassettes à chaque fois? Ouais, j'ai toute une instrumentation en fait, parce que je fabrique aussi les lecteurs, des magnétophones. Je détourne aussi mes lecteurs, mes magnétophones. Mmh. Voilà, que j'en fais moi-même des instruments. Bon, la base que j'utilise depuis longtemps, que j'utilise encore, c'est la scratchette, hein, ce que j'appelle la scratchette. Donc la scratchette, c'est une cassette qu'on peut faire glisser à la main dans le magnétophone pour faire une sorte de jeu de scratch, un peu comme les DJ le font avec les vinyles. Mmh. Ce sont des magnétophones qui sont eux-mêmes aussi transformés, détournés, épurés en quelque sorte, parce que j'enlève beaucoup d'éléments mécaniques pour garder plus que la tête de lecture. Donc à partir de là, je libère quelque sorte l'appareil de certaines contraintes mécaniques pour avoir du jeu, du geste. Finalement, ce qui est important pour moi dans toutes ces inventions, c'est surtout j'invente l'objet qui peut me permettre d'inventer des nouveaux gestes. Quoi. C'est une sorte de recherche presque chorégraphique sur scène, enfin très manuelle, quoi. Une manipulation sonore en fait, comme j'utilise beaucoup. Une musique chironomique, on pourrait le dire dans ce cas-là, si vous travaillez uniquement la main. Ouais. En tout cas, on est dans la forme de performance et on va écouter, pour terminer cette interview, un extrait d'un disque qui va sortir, enfin d'un album. Enfin, je sais pas quelle forme ça va être, album, disque, cassette. En tout cas, il va être déjà en digital. Ouais. Puis après, on verra. On verra après. Voilà. Bon, là, c'est surtout une série de morceaux de mon dernier set que je fais en live, assez dansant et assez tropical, quoi, dans l'ambiance. Là, je me suis vraiment inspiré, en fait, vraiment d'univers très musique latino et tout ça. Mmh. J'aimais bien faire le parallèle, en fait, entre la musique, le côté tropical et l'expérimentation sonore, parce que finalement, c'est de l'exotisme, quoi, tout ça, quoi. Quand on recherche des sons dans des zones un peu particulières en expérimentant, voilà, c'est un peu comme explorer un temple maudit au fond de la jungle, quoi. Je trouvais l'accord assez parfait, en fait, et voilà, du coup j'avais envie de faire un album vraiment dans cet état d'esprit, même si c'est très à la mode aussi ce genre de son, voilà, avec la cumbia et compagnie, mais bon, après voilà quoi. Bon, on peut très bien suivre la mode. J'aime de temps bien en temps la chaleur du son aussi. Oui, c'est sûr. Et on va écouter justement Point de Soudure, qui est un morceau dans lequel on retrouve aussi toutes ces boucles possibles avec les cassettes et puis ces manipulations et puis vraiment vos solos qu'on entend de vos instruments. Alors je sais pas s'il y a le vibrocassex dans ce qu'on va écouter là. Si, voilà, mais enfin c'est un peu, le son est travaillé quand même, hein. Oui, voilà, là on est plus dans l'ordre de l'enregistrement, même si ce sont des morceaux que je joue complètement en live. D'accord. Et voilà, ce sont des morceaux qui sont en prise live, alors je fais 50 fois la même prise et après je fais un peu, colle un peu de bout en bout les meilleurs passages, mais il n'y a pas de travail de montage, hein. C'est vraiment des morceaux que je peux jouer en live tel quel. Après, il y a du peaufinage de studio quand même, quoi. Donc voici, voilà. Point de Soudure, pas trop de triche, quoi. De Teptronic. le bon vieux magnéto à cassette. Il est toujours bien branché. Point de soudure de Teptronic, un morceau qui sera édité dans votre prochain album, Alexis Malbert, qui sortira le printemps prochain. Merci beaucoup Alexis d'être venu avec ces petits extraits, parce que vous avez quantité de morceaux différents dans votre carrière de Teptronic, et puis surtout en tant qu'archéologue des médias. Donc tout ça on le retrouve sur votre site internet aleximalbert.com et sur le site du magazine Discut, qui est en suspens, mais bon, on peut trouver encore le contenu des différents numéros précédents. discuts.blogspot.fr. Et également, vous êtes auteur aussi de nombreux ateliers dans lesquels vont vous rencontrer le public pour construire des cassettes. Un atelier qui s'appelle Scratch ta cassette, que vous faites au sein du collectif Frisson, et tout ça évidemment c'est en lien sur votre site. Merci beaucoup Alexis, et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.